Un spectacle survolté et épique. Woodkid, billets en vente sur admission.com. La série Jazz à l'année TD, présentée en association avec la presse et CISM. L'Omnium du rock mise au jeu est de retour pour une 10e édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bands au Québec. Manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Café Campus. Visitez le omniumduroc.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mise au jeu, une présentation de CISM en collaboration avec Steve Musée. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir, bonsoir, je m'appelle Jean-François Lusignan. Vous écoutez l'émission Le Terminus en direct des ondes, en fait en direct des studios de CISM. On est lundi le 14 octobre. Je l'ai dit, on écoute, c'est l'émission Le Terminus qui débute, une émission qui est dédiée au rock indépendant. Ce soir, il va y avoir beaucoup de nouveautés, mais également des trucs un peu plus vieux, comme par exemple du vieux Spoon, également du vieux Dinosaur Jr. Ça sera en deuxième partie d'émission, mais on commence avec deux nouveautés. Il y a David in the Woods, en fait le projet de Monsieur David Dugas-Dillon, batteur dans le duo Crab, qui sort le 8 novembre un nouvel album qui va s'appeler David et les Bois. Là-dessus, il devrait y avoir une grande part de chansons en français, c'est super intéressant. Et on a reçu le premier extrait, ça s'appelle Feu Follet, sorti la semaine dernière, on va l'écouter à l'instant. Ça sera suivi du nouveau groupe, en fait, de Madame Mary Timoney de Wild Flag, le groupe XX. C'est une nouvelle chanson toute nouvelle chanson dans la vie de ce groupe-là. On va l'entendre tout de suite après, mais on débute avec David and the Woods, Feu Follet, à l'émission Le Terminus. Et une ronde C'était XX avec Hot and Cold. Et si vous êtes du genre visuel plutôt qu'auditif, XX, ça s'écrit EX espace HEX et ça se trouve sur leur Bandcamp, xx.bandcamp.com. Et je le disais tout à l'heure, il s'agit du nouveau groupe de Mary Timoney, anciennement Delia, mais qui est également actuellement dans Wild Flag. C'était le titre d'un album solo qu'elle a sorti quelques années, et là maintenant elle a décidé de s'adjoindre de d'autres personnes, d'autres filles je crois au complet, pour former ce nouveau groupe là. On sait qu'avec Wild Flag là, il se passe pas grand chose ces temps-ci. Une des membres là, qui est assez occupée avec sa série Portlandia, alors elle a décidé de s'occuper et de faire, continuer à faire de la musique. Ça sonne très très bien. Et je vous rappelle que si vous voulez retrouver la liste des chansons qui tournent pendant l'émission, ça se retrouve sur le CISM893.ca quelques minutes après la fin de l'émission. On va continuer avec un duo de Sydney en Australie. Le premier album, il sort, lui, le mois prochain sur Pop Frenzy Records, une étiquette assez cool, justement, d'Australie. On écoute la formation Unity Floors et la chanson Identity Theft sur les ondes de CISM. We'll be right back. les Torontois de Das Rad avec la chanson Heavy Flow qui se retrouve sur un 7 pouces sorti en septembre dernier et qu'il partageait avec la formation Witches. Ça se retrouve sur le Bandcamp de Das Rad. C'était précédé d'un truc sorti en 2003, Stella Star et la chanson No Weather. Et il semblerait que le groupe là, existe plus depuis quelques années. En fait, ils sont ce qu'on appelle un hiatus indéterminé, donc ça ressemble pas mal à la même chose. Puis le groupe aura pas vraiment, là, je crois qu'ils ont sorti quelque chose comme 3 albums au courant de leur carrière, ils n'auront pas vraiment réussi à se trouver ou se définir vraiment un son assez à eux, propre à eux, parce que au moment de la sortie de l'album dont la chanson duquel la chanson qu'on a entendue est extrait, ben c'était vraiment l'époque où Interpol était très populaire et ils avaient beaucoup en fait d'emprunt au son d'Interpol, Joy Division et compagnie. Donc ben c'est quand même intéressant d'aller visiter le matériel de Stella Star qui est sorti au début de la décennie précédente. On va poursuivre maintenant avec des gens de Tucson en Arizona. Ils s'appellent Dream Sick. On écoute la chanson Shine on Shine. Ça sera assez mollo, vous allez voir. En fait, le début assez mollo. Tout de suite après, ça sera Tank avec Have Another Breakdown. Tout ça à l'émission Le Terminus. Half a mile of mine can be sense of time. I have no peace of mind. My car is painted blue since I drove it with you. No room in the garage to park my brand new car. You do it to me every time I've seen you drive. Two pieces of your eyes. Do it to me every time I've seen you try. Have another breakdown, have another breakdown. Have another breakdown, have another breakdown. I have no sense of time. I have no peace of mind. My car is painted blue since I drove it with you. No room in the garage to park my brand new car. You do it to me every time I see you try. Pieces of your eyes. You do it to me every time I've seen you try. Have another breakdown, have another breakdown. Have another breakdown, have another breakdown. Yeah. Oh, ça coupait assez sec. C'était en fait Terry Maltz, une formation de la Californie. Et leur chanson Well Adjusted, ça se retrouve sur Nobody Realizes This Is Nowhere, qui est leur deuxième album en 2 ans, qui est sorti en septembre dernier. Donc, nouvelle formation qui est assez prolifique. C'est, juste avant, c'était The Like Young, un duo qui était en fait un couple, Amanda et Joe Zemba, mais ils se sont séparés. En fait, leur vie amoureuse s'est terminée en 2006, ce qui a en même temps mis fin au projet. Il semblerait que le chanteur, lui, a maintenant un autre projet. Vous pouvez suivre ça. Et la chanson qu'on a entendue, c'était Your No Cheat de l'album So Serious, qui est paru en 2004. Donc, The Like Young. Et vous avez aussi entendu, dans le dernier segment, la musique des groupes Tank, également Dream Sick. On retourne maintenant en musique en français avec Montgomery, les Français même de France, la chanson Daisy sur les ondes de CISM. Jean-François Lusignan avec vous jusqu'à 20h. Jésus les filles, danser sur les murs, ça se retrouve sur le split, en fait, la cassette qu'ils ont fait sortir, en fait, avec The Police en 2011. Et le dernier album complet du groupe Jésus les filles, je vais y arriver, est sorti lui en 2010, c'était leur premier album, donc ça fait bientôt 4 ans. Et il semblerait qu'ils sont en train de travailler justement sur un nouvel album complet, donc j'imagine qu'on va avoir des nouvelles dans les prochains mois du groupe Jésus les filles. Juste avant, c'était la formation shoegaze suédoise Star Horse, la chanson Magic Light. Ça se retrouve sur un joli mini-album qui s'appelle Devour, qui est sorti il y a à peu près 3 semaines. Et on va continuer avec maintenant quelque chose d'un peu plus mollo. J'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est vraiment vrai. Plus tranquille, ça va être Y plus Me, Y plus Me, la chanson Fin. Et ça sera suivi d'un classique de la formation Spoon, toujours à l'émission Le Terminus. Living is Hard de Spoon de leur album Girls Can Tell qui était sorti en 2001. Et ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Spoon, en fait, depuis que le leader de la formation, Britt Daniel, travaille sur son nouveau projet qui s'appelle The Van Fits, hein, le projet avec Dan Buchner. Ils ont même un deuxième album, je pense qu'il s'en vient bientôt, donc Spoon est un petit peu mis de côté. Alors voilà, restez à l'écoute dans quelques instants. Roman Blouin s'en vient avec l'émission Nous sommes les rockers. Pour retrouver la liste des chansons qui est passée dans la dernière heure, ça se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Sinon, les archives de l'émission, c'est sur leterminus.ca que ça se retrouve. On se quitte avec un groupe de Los Angeles qui sortait un premier EP l'été dernier. Il s'appelle Tree Blood. On écoute leur chanson Pénélope. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour Le Terminus. Ciao! Le Festival Jazz à l'année. Des concerts qui plairont à tous. Sur scène, George Drexler pour une soirée mariant pop, folk et sonorités d'Amérique du Sud. La formation montréalaise Quartango mélange tango, jazz et musique classique. Le pianiste canadien du boogie-woogie, Michael K. Shammer.